Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Alors, lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, le métier d'expert comptable, une émission co-animée comme d'habitude avec Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc de l'expertise comptable. On se retrouve dans quelques instants pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Alors en France, dans l'imaginaire collectif, l'expert comptable est un gratte-papier peu dynamique qui passe sa journée derrière son ordinateur à aligner des chiffres. Une image dégradée et poussiéreuse qui nuit à la profession, par méconnaissance surtout, et bien loin de la variété des missions, car l'expert comptable est certes un professionnel du chiffre, mais il opère comme un véritable médecin généraliste de l'entreprise. Alors on va tenter d'être le plus clair possible, Francine, avec nos deux invités qui, justement, se destinent à cette profession d'expert comptable. On reçoit donc aujourd'hui dans notre émission Valentine donc Lambolès et Aurélien Didier-Jean. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à vous. Alors donc, avant d'évoquer ce métier donc d'expert comptable, petit retour en arrière. Pouvez-vous nous expliquer votre choix pour ce métier et préciser dans quelle structure vous travaillez? On va commencer par Valentine. Oui, alors... Moi, ça remonte à mon année de terminale. On devait faire nos vœux sur post-bac et donc trouver une idée de métier et un cursus. Donc, c'est toujours compliqué à 18 ans. J'avais pas beaucoup d'idées. Et puis, je suis tombée un jour sur ce métier d'expert comptable en faisant des recherches sur les divers métiers qui existaient et que je connaissais pas forcément. Je tombe donc sur ce métier et je me rends compte, je vois que, a priori, ça parle de chiffres, ça parle de maths. Et moi, je suis en terminale S. Donc, je me dis, c'est fait pour moi. Donc cette anecdote, elle est assez drôle et elle est même paradoxale parce que les gens ont une fausse idée reçue sur ce métier et moi la première, j'en avais une. On travaille avec les chiffres certes, mais on ne fait pas de mathématiques pures, ni de grands calculs, ni de grandes équations, je vous rassure. Donc aujourd'hui, je travaille au sein du cabinet d'expertise comptable Isico à Nancy. J'y ai effectué mon apprentissage de master et je suis actuellement en troisième année de doctorat dans le but d'obtenir le diplôme d'expertise comptable. Donc voilà, donc c'est le hasard qui vous a amené à cette profession. Un petit peu, oui. Voilà. Alors Aurélien, pour vous. Alors moi, pour ma part, donc, je me suis orienté vers l'expertise comptable un peu par hasard, en fait. Donc c'était l'année du bac, donc je ne savais pas trop quoi faire. Je suis de base quelqu'un d'assez cartésien, j'ai préparé un bac ES. Donc je me suis dit, bon, la comptabilité, ouais, ça doit être sympa. Donc je me suis lancé là-dedans, donc j'ai commencé par un BTS. Donc ça m'a plu, donc j'ai décidé de poursuivre. Et là, actuellement, donc, je suis en troisième année de DEC. Donc le diplôme qui prépare à l'expertise comptable. Donc je travaille actuellement au sein du cabinet CSF, donc qui est un cabinet régional, contrairement à Valentine. Cabinet CSF, c'est quoi? C'est un cabinet qui est réparti sur trois sites, donc Nancy, Pont-à-Mousson et Metz. Donc actuellement, j'interviens principalement sur des métiers de commissariat aux comptes. Oui, on va revenir tout à l'heure sur justement vos missions au quotidien, hein, donc concernant donc votre métier. Alors première idée reçue que l'on souhaite lever. Résumer l'expertise comptable à la comptabilité, d'autant que votre profession s'est fortement digitalisée ces dernières années. Pouvez-vous le confirmer, Valentine, en précisant si justement vous avez fait de la saisie comptable ces dernières semaines? Alors, la profession est en pleine évolution aujourd'hui et elle le sera encore dans les années futures, notamment avec l'arrivée de la facture électronique. Vous dire que la saisie aujourd'hui n'existe plus, ce serait vous mentir. En revanche, le métier est en train d'évoluer. On a des outils qui permettent l'ossérisation. Donc l'ossérisation, c'est une technique qui va permettre d'extraire les données des documents grâce à une reconnaissance des caractères. Donc le comptable n'a plus la seule tâche, la simple tâche de saisir une facture, mais il va être le vérificateur en quelque sorte de l'outil. Et pour moi, le métier de comptable ne disparaîtra pas, mais ses tâches vont être différentes. La digitalisation va permettre de diminuer les tâches à faible valeur ajoutée et elle va créer de nouvelles tâches qui seront à plus forte valeur ajoutée pour le client. Des tâches qui seront réalisées par des humains et non par des machines. Donc l'idée que l'on entend beaucoup que les comptables n'existeront plus demain, pour moi, elle est fausse. Oui, surtout en ce moment avec l'intelligence artificielle, il y a un gros débat là-dessus. Oui. Donc alors justement Aurélien, pouvez-vous nous décrire une journée type au sein de votre cabinet? Alors, je ne pense pas qu'il y ait réellement de journée type dans la mesure où vous pouvez très bien vous retrouver le lundi chez un transporteur à auditer les comptes Et le lendemain, vous retrouvez chez un client, un plus petit client, donc à lui proposer des logiciels, à lui faire des démonstrations. Donc vous voyez, enfin, moi en ce qui me concerne, je peux très bien commencer par exemple ma semaine à Lille, chez un client dans le BTP. Je la termine, je sais pas moi, à Strasbourg, chez un négoce de marchandises pour la construction. Donc non, il y a vraiment pas de journée type, il n'y a pas de routine. C'est ce qui est intéressant dans la profession, ouais. Hein, c'est ce côté diversifié de vos missions. Donc des activités donc, qui tournent quand même davantage autour du conseil aux chefs d'entreprise. Et ce faisant, vous êtes vraiment partenaire privilégié du dirigeant. D'autant que plus que votre formation, grâce à votre formation, vous avez une vision assez généraliste de l'entreprise, Valentine. Oui, le métier de l'expert comptable, c'est avant tout un métier de conseil. Notre but est d'accompagner les dirigeants d'entreprise de la création de leur entreprise jusqu'au jour où celle-ci sera cédée ou cessera d'exister. On va l'accompagner tout du long en prenant en compte sa stratégie, ses interrogations, qu'elles soient sociales, qu'elles soient fiscales, juridiques ou purement comptables. On va également conseiller le dirigeant lui-même qui se pose des questions sur son propre statut, sur sa rémunération, sur sa succession, sa retraite ou encore bien d'autres sujets. L'expert comptable, c'est souvent la personne que le dirigeant va contacter en premier. On ne sera pas toujours à même de le conseiller sur des sujets bien précis qui sont le cœur de métier d'autres professions que la nôtre, mais on va le tourner vers les personnes expertes sur ces sujets. On parle d'un accompagnement pluriel et Isico, par exemple, applique bien ce concept grâce à la multitude de métiers présents au sein du cabinet pour permettre justement de suivre nos clients et de les aiguiller dans leur vie entrepreneuriale. Alors, au-delà de la fonction de conseil, expert comptable, c'est aussi un métier de contact, donc on l'a déjà évoqué, avec de nombreux déplacements pour partir à la découverte du quotidien des chefs d'entreprise ou suivre les événements qui rythment la vie de l'entreprise. Donc, pouvez-vous nous citer, par exemple, vos derniers déplacements, Valentine ? Oui, alors, donc le contact social, c'est un aspect important dans notre métier, il est prédominant. Pour ce qui est de mes dernières expériences, donc j'interviens pendant 4 semaines tous les ans, en février, dans une société de transport national et international. Donc ça, c'était mon dernier gros déplacement. D'autre part, je suis beaucoup d'associations qui font partie donc, de mes clients et je suis intervenue justement mercredi dernier devant une classe de terminale pour présenter mon métier à la demande d'une association qui travaille sur l'insertion professionnelle et qui intervient notamment auprès des jeunes. Donc les expériences, elles sont diverses et variées et très enrichissantes pour nous en tant que débutants, alors débutants entre guillemets, mais dans la profession et qui vont nous permettre justement d'emmagasiner de l'expérience. Et donc Aurélien, vous nous en avez déjà évoqué quelques-uns de vos déplacements. Alors moi j'en retiens surtout un là qui m'a quand même pas mal marqué en fin d'année 2022. Donc je pars à Strasbourg donc, pour procéder à l'inventaire dans une société de négoce de matériaux de construction. Donc j'arrive dans le magasin. Donc là je suis reçu par une personne qui a à peu près 70 ans, qui parle quasiment qu'allemand. Donc je me dis bon, la journée va être longue. Et puis, vous visitez, vous faites connaissance avec les équipes et vous procédez donc au comptage que vous devez faire dans le cadre de l'inventaire. Vous mangez avec eux le temps de midi, donc vous apprenez encore plus à les connaître. Et donc la journée se passe et vous terminez le soir et on vous interpelle. Et là, on vous offre des gâteaux, on vous offre tous des petits biscuits de Noël. Donc voilà, c'est vraiment un métier où on est en contact avec nos clients, on apprend d'eux, mais aussi on enrichit leur façon de travailler. Humainement, c'est super valorisant. Bien, parfait. Francine, de ce premier retour d'expérience, je constate que ce métier permet de mener des activités très diversifiées, donc loin de la routine. Alors après la première pause musicale, on abordera justement le processus de formation qui permet d'accéder à ce métier d'expert comptable. Mais j'ai demandé donc à chacun d'entre vous de me sélectionner une chanson ou une musique coup de cœur. Alors Valentine, quel a été votre premier choix ? Alors moi j'ai choisi la chanson « Peur de l'échec » d'Aurel San. Alors pourquoi ? Parce que c'est une chanson qui m'a aidée et qui m'aide encore quand j'ai des moments un peu moins bien, quand la confiance est difficile à trouver. Aujourd'hui je vais parler de moi, mais je pense parler pour un grand nombre de personnes, qu'elles soient étudiantes, dans la vie active, comptable ou non d'ailleurs. Parce que qu'est-ce que veut dire échouer ? Est-ce que ça veut dire qu'on a essayé, qu'on a tenté quelque chose qui n'aurait pas abouti ? Si la réponse est oui, alors pourquoi est-ce négatif et pourquoi parle-t-on d'échec ? Parce que pour moi, il n'y a pas d'échec. Dans la vie, il n'y a que des apprentissages. Celui qui ne tente rien n'échouera jamais, mais il n'apprendra jamais non plus. Échouer, c'est prendre le risque d'essayer finalement, c'est prendre le risque de vouloir apprendre. Donc pour tous les auditeurs, pour toutes les auditrices qui se trouvent dans cette situation de peur de l'échec, j'ai juste envie de vous dire, allez-y, tentez des choses, faites-vous confiance, n'ayez pas peur de trébucher et soyez fiers d'apprendre.

en 2 ans, puis a rejoint la licence en 2e année directement. Et il a évidemment obtenu sa licence. On a par la suite été en master au CNAM, un master qu'on a réalisé en alternance tous les deux et qui nous a permis d'obtenir notre diplôme supérieur de comptabilité et de gestion au bout de 2 ans. Aujourd'hui, on travaille à 100% dans nos cabinets en tant que stagiaire expert comptable. Alors, on dit expert comptable mémorialiste maintenant, mais bon. On suit des formations sur 3 ans directement à l'ordre des experts comptables en préparant l'obtention du diplôme d'expertise comptable niveau doctorat. Donc, ça fait combien d'années de formation? Ça fait donc 7 ans? Ouais, même 8 ans. 8 ouais. ans, 8 ans. Ouais. Et Aurélien, je suppose qu'il y a d'autres alternatives pour obtenir le diplôme d'expertise comptable. Alors oui, effectivement. Donc, il y a la voie, entre guillemets, classique qu'on a suivie, donc Valentine et moi. Donc, vous pouvez aussi vous pouvez passer une licence CCA. Donc là, c'est plus universitaire. Donc, CCA, c'est Contrôle comptabilité audit. Donc, vous passez votre licence en 3 ans. À l'issue, vous pouvez intégrer un master CCA, donc un master CCA que vous préparez en 2 ans, donc en alternance ou non, ça c'est selon votre choix. Donc il faut bien par contre avoir en tête que vous pouvez avoir votre master CCA, mais vous n'aurez pas directement le DSCG. Il vous reste toujours 2 épreuves à passer, donc qui sont les plus compliquées, donc la gestion juridique et la comptabilité. Donc, il faut aussi savoir que donc, tous ces diplômes peuvent se préparer en candidat libre, donc DCG, DSCG, même le DEC, mais que donc, c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne doit pas être très simple en candidat libre. Et c'est ce qui explique aussi les taux de réussite assez faibles. Il ne faut pas avoir trop peur des taux de réussite assez faibles, parce que je pense que si on travaille régulièrement... Non, il ne faut pas s'y fier, parce qu'une personne qui travaille régulièrement, donc qui suit en formation, enfin qui prépare une formation donc pour passer ses examens, sauf accident, il arrive à les avoir. Oui. Mmh. Alors d'après les statistiques, hein, il n'y a pas de difficulté pour trouver un emploi pour tous les jeunes justement qui s'orientent vers les métiers de la comptabilité, sans forcément aller jusqu'au DEC. Je crois qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, vos cabinets recherchent de nombreux jeunes. Oui, alors on est dans une période assez étrange hein, en termes de marché du travail. Beaucoup de professions, et dont la nôtre, ont du mal à recruter. Et pourtant, la demande est bien présente. Hein, de nombreux postes sont à pourvoir. On assiste également aujourd'hui à de nouvelles exigences des personnes. Notre métier en général, donc je parle du métier pour les personnes, a une place différente dans notre vie. Une place qu'il n'avait pas ou qu'il n'a pas dans la vie de nos parents, mais surtout de nos grands-parents. Et donc, je pense que ça explique en partie ce besoin que les entreprises n'arrivent pas à combler aujourd'hui. Pour revenir à notre métier, la demande est bien présente. Il y a peu de difficultés à trouver un emploi, d'autant plus que les cabinets recrutent beaucoup d'alternants et des personnes sans expérience, donc directement à la sortie d'école. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Aurélien ? Non, je suis assez d'accord avec l'analyse de Valentine, parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas un seul cabinet qui ne recherche pas à recruter. Donc, c'est valable pour les cabinets, c'est aussi valable pour les entreprises. Tout le monde est à la recherche de comptables, d'experts comptables. Cela peut paraître surprenant, parce que je me souviens, on revient quelques années en arrière, certains experts nous prédisaient la disparition justement de ce métier, avec notamment la montée de l'intelligence artificielle qui allait remplacer justement les comptables. Alors comment on peut expliquer cette contradiction? Alors, ça revient un peu à ce que Valentine disait tout à l'heure, c'est que le métier de comptable, il existera toujours. Les tâches ne seront plus les mêmes, ça c'est certain, mais le métier de comptable existera toujours, parce qu'il y aura toujours besoin de personnes pour analyser les données qui seront traitées par l'intelligence artificielle, par exemple, qui se développe de plus en plus. Mais oui, le métier de comptable existera toujours, à mon sens. Et donc, là où je suis le plus surpris, c'est le pourcentage croissant des femmes qui s'orientent vers ce métier. Alors, Valentine, autre idée reçue à lever, le métier d'expert comptable, c'est un métier d'homme? Eh bien, on va la lever tout de suite. Non, le métier d'expert comptable n'est pas un métier d'homme, en tout cas pas seulement, hein. On observe en effet moins de femmes dans les postes à haute responsabilité. Alors pourquoi? Est-ce par rapport à un sentiment de non-légitimité, un sentiment de culpabilité envers nos tâches de femmes, d'épouses, de mamans? On pense qu'on ne pourra pas tout gérer. La société actuelle conforte encore trop cette idée qu'être une femme, une maman, une entrepreneur épanouie est quasi impossible. Et j'ai envie de faire passer un message aujourd'hui à toutes les femmes et les jeunes femmes comme moi. On peut tout faire. On peut être ambitieuse et accéder à des postes à haute responsabilité. On peut être une bonne maman et élever nos enfants, on peut être une bonne épouse, on peut profiter de nos loisirs, de nos amis, de notre famille, mais surtout on peut faire tout ça à la fois. Alors ça peut faire peur, hein. Moi-même j'ai 25 ans Et logiquement, je pense à fonder une famille dans quelques années et parfois je me pose la question de savoir si je vais réussir à tout concilier comme je le souhaite. Et puis je me dis que oui, les femmes sont fortes, on est fortes et avec de l'organisation, on y arrive. Et donc je vais terminer par dire que rien ni personne ne doit vous faire renoncer à vos rêves. Croyez en vous, soyez aussi ambitieuse que vous le souhaitez et soyez qui vous avez envie d'être. Mais il y a quand même des périodes très concentrées dans votre travail, notamment la période fiscale. Alors, comment les cabinets proposent donc à leurs salariés de s'organiser pour essayer de tenter d'équilibrer donc justement vie privée, vie professionnelle et justement attirer les femmes vers ce métier? Bon, alors oui, effectivement, la période fiscale, donc c'est une période qui est assez chargée en termes de travail. Mais... Donc c'est une période qui va de quelle période à quelle période? Qui commence fin janvier jusque fin juin. Oui, c'est ça, presque avec les impôts sur le premier mois de l'année. Oui, La période fiscale, on rappelle, pour nos auditeurs, c'est la période pendant laquelle on établit les bilans, les comptes de résultats. Oui, tout à fait. Donc oui, c'est effectivement des grosses périodes, mais je pense qu'il faut savoir s'organiser, en fait. Et il faut savoir quand même s'accorder du temps pour soi, parce que sinon, à un moment donné, vous dérapez, vous êtes à bout, parce que c'est quand même des métiers où vous réfléchissez énormément. Intellectuellement, c'est fatigant. Mais voilà, si vous vous organisez bien, que vous êtes carré, vous passez la période sans problème et vous pouvez garder vos loisirs à côté. C'est important d'en garder, d'ailleurs. Et est-ce que les cabinets proposent, par exemple, une souplesse au niveau de l'emploi du temps, notamment pour le matin, si les jeunes mamans ou jeunes papas veulent déposer leurs enfants à la crèche? Je ne sais pas si dans vos cabinets, il y a des souplesses? Oui, en effet. Alors nous, pour le coup, c'est vrai qu'on s'organise un peu comme on le souhaite. Donc ça, c'est assez important aussi d'avoir cette liberté, je trouve. Donc on peut arriver le matin à l'heure qu'on veut et partir le soir à peu près à l'heure qu'on veut. Alors évidemment, il y a toujours des horaires à respecter et puis faire en fonction aussi de nos clients, hein, parce que c'est eux qui nous dictent aussi notre métier. Et il faut être disponible quand eux le sont aussi. Et du coup, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à cette frontière. C'est vrai que moi, par exemple, mon copain fait les mêmes études et on travaille dans le même cabinet. Et parfois, lorsqu'on a des semaines chargées, on se rend compte que cette frontière entre vie personnelle et vie professionnelle est floue. Mais je pense que l'on doit vraiment ériger cette frontière, s'obliger à s'octroyer des moments, des créneaux, en famille, avec nos amis. Et cela va permettre, à mon sens aussi, de renforcer notre efficacité dans notre boulot. Et pour moi, il ne peut pas y avoir de vie professionnelle épanouie sans une vie personnel, privé, épanoui, les deux doivent coexister distinctement. Très bien. Alors le temps passe très vite, on va passer maintenant à notre deuxième pause musicale. Cette fois-ci, c'est Aurélien qui va nous proposer sa chanson coup de cœur. Alors ma chanson là du moment, donc, c'est Kate Bush, Running Up That Hill. Donc alors pourquoi cette musique? Alors en fait, donc, je l'ai découverte, donc je connaissais la reprise d'un groupe donc Placebo qui la chantait, et j'ai découvert l'original donc dans la série Stranger Things sur Netflix, donc série que j'ai vraiment appréciée, que j'ai regardée avec ma copine. Donc Eh bien, retour dans cette nostalgie cette fois-ci, on va retrouver donc votre coup de cœur musical. Feel how it feels. Yeah, yeah, yeah. Voilà, c'était donc le coup de cœur d'Aurélien Didier-Jean. Alors, vous allez rappeler le titre de votre coup de cœur. Alors, c'était Kate Bush, Running Up That Hill. Parfait. Fadjet, c'est plus qu'une radio. En effet, vous êtes bien sur Radio Fadjet dans notre émission L'Instant Éco. Nous accueillons donc dans cette émission donc Valentine Lambollet et Aurélien Didier-Jean qui sont donc deux étudiants presque bientôt professionnels hein, donc de l'expertise comptable. Alors oui, Jérôme, et dans quelques mois, vous serez certainement expert comptable, dans un premier temps salarié. Donc envisagez-vous ensuite de vous lancer dans l'entrepreneuriat en créant votre propre cabinet? C'est une très bonne question. De mon côté, l'entrepreneuriat me fait envie. Je trouve que c'est un challenge personnel intéressant qui permet de réaliser des choses qu'on ne pensait pas forcément réussir. L'avantage de notre métier, après, est que nous avons une multitude de choix hein, de carrière qui va de l'expert comptable salarié, comme vous l'avez dit, au directeur financier dans une entreprise, en passant par l'expert comptable associé d'un cabinet ou encore l'ouverture d'un cabinet ex nihilo, donc autrement dit, se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je terminerai par dire que cette dernière facette du métier est une possibilité parmi tant d'autres, une possibilité qui me plairait, je pense. On verra bien ce que l'avenir me réserve en espérant dans un premier temps obtenir mon diplôme d'expertise comptable. Alors pour ma part, donc je ne pense pas à terme créer mon propre cabinet. Donc je pense plutôt à une association au sein d'un cabinet déjà existant et pourquoi pas au sein du cabinet dans lequel je suis actuellement. Donc mais tout ça après l'obtention du DEC bien sûr. En tout cas, ça fait plaisir de voir des jeunes donc, qui ont de l'ambition. Hein, donc, en tout cas, merci Valentine et Aurélien pour toutes ces précisions. On espère avoir gommé les clichés hein, qui collent à la peau du métier d'expert comptable et avoir convaincu certains de nos auditeurs, auditrices de rejoindre donc ce beau métier. Certes, beaucoup d'exigences pour y accéder, mais grâce à la diversité des actions, je pense que vous ne verrez certainement pas passer les 40 prochaines années de cotisation avant d'arriver à la retraite. On espère. Et merci pour l'invitation. Et merci à vous. Voilà, merci. Alors, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de Facebook de Radio Fadjet, de nous faire part de vos suggestions sur les thèmes que vous souhaitez voir abordés dans cette émission, sachant que vous pourrez bien sûr retrouver en replay sur la page donc, de Radio Fadjet toutes nos émissions de l'instant écho. Voilà, Francine, eh bien, on se retrouve le mois prochain. Mais oui, Jérôme, au mois prochain. Toujours fidèle au poste. Mais oui. N'oubliez pas donc de rester donc, fidèle à Radio Fadjet. À très bientôt pour une nouvelle émission de l'Instant Éco.